Je me retrouve ce soir tout seul à en parler, face à un miroir un peu éméché. Dans ma main, une lettre avec des mots troublants. J'ai compris, je reste ici, infiniment de là où je suis. Je ne vois pas ton visage. Entre nous, de la pluie et quelques étages. Avec une allumette, la lueur d'une flamme sur le mur projette la couleur d'une femme. Et une ombre froissée sur des draps de lit se tient au chevet d'une table de nuit. De là où je suis, j'imagine ton visage. Avec de l'eau de pluie, il faut tourner la page.